le regard qui tue. Fait tourner la tête, son corps, son visage, ses mots, sa voix, ses manières. J'ai pris l'habitude de lever sur les nerfs. Oh, mon cœur le prend pas mal en ce moment, j'ai la tête ailleurs. Les chocs, chocs, chocs depuis toutes ces années. Et je danse, danse, danse dans l'audi reprogrammé. J'fais gaffe avec qui je traîne jusqu'au bout de la nuit. J'veux pas voir débouler les ennuis et la police. Et tu snap, snap, snap quand tu veux t'ambiancer. Et tu tasses, tasses, tasses pour voyager tout l'été. Monte pas trop ta vie, ça attire la jalousie. Les gens aiment pas te voir réussir, c'est la folie. Avec qui je traîne jusqu'au bout de la nuit. Je veux pas voir des